Fondation Idal. Ce qui place est ticali moko na katia paradiso. Et ça réservé pendant gaye nandimi na kota li felo. Po Deborah kota paradis en zapa. Adine ensemble na Christ. Oh, qui balène sénateur. Babutu est comme une dangereuse ponanga. Ce qui débora sa terre ne kai ben somni me ke. Zidane Fikula, Didi Dipumba. Ato bazolo baloba na lekisa doza ya koyembe debo. Orne la moindo, or moi je sais, l'excès d'amour ne nuit jamais. Yves Abdallah, Libéral Presse en action. Aïe aïe, papi bazego. Centralisation, allez, de Paris. Parti en bras élégantissimo. Aigle Royal, les sénateurs du Baouélé. Ya maman 04. Maman peki sanga kuluna na kotika. Albert Ikolumba. Kasiko peki sanga Deborah, vraiment yoko bomangai. Mes desserts peki sanga masanga cigarette na kotika. Kasiko peki sabolingo nanga, wane komi or medesil. Lendi mputu. Ya petit keba peki saka ya sucre. Kasi bolingo te. La rigueur. Omoniye, omoni makambozo luke langa. Debo. Omoniye mimi bela makambo ozo luka. Bolingi boye ba nenge ngana lelaka. Gloria Bela. Soko komisi mana koko masable. Belief en twist. Basangi sabi soto koma brike. Eso ki babuki bi soto koko ma babrike kayu. La grande F, l'architecte. Ah, est-ce que yo kaka? L'équilibre. Nengengana yo kaka. Serge Kondé. Sokyo vandi pene nangai. Pascal Kanga, isala ta geste. Honorable sénateur Olin Zazi. Pape Mani de Mama Yolande. Déborah, Sokyo Zate. Namoko kobanga banga. Honorable Carole Aguito. Y'a Christian Lomoto. Chaque chose a son temps, chaque temps a ses hommes. Guy Baleine, les Juifs noirs, les cœurs de Mahadebo, Déborah Luando, Mwanama Marie Bompongo, les berceaux des baleines. Soki olingo boya ma, et pour moi t'es dommage ta, et compte final à Zolimo, pensionnaire na Hervéa, et bon mon pensionnaire na Bolingo. Fleuve, Congo Hotel. Kosenga ba bébé, Isala kana kulila. Kosenga mikolo, Isala kana kutala. Kasia bolingwe, Isala kana ba geste. Watanabe. Chérie à la reconnaissance, le lieu à tournanga. Sokyo moni kondo kona butu ko boule de cho. Isanga. Ata baba minga libanga na kokende te. Ata la moni banke bako bo manga. Wando. Neza na simana kwe na sose la yo. Yebora. Yeba yeba kawa yo. Motepe ni ebona. Gael Makamu. Ata bata li nyoto e. Kaka pamba ona. Ebona yo. Mama. Mwana muna kumba. Exigence à fédération, et Sengelitos à la peu près point mon corps pour qu'on baise à la mienne. Automatisme na bolingo, un peu de mathématiques, une flèche est allée, accompagnée na une flèche est retour. Comme la terre qui tourne sur elle-même, donc il y cercle vicieux, bolingo cercle vicieux. Honorable Nadine Mangabu, Solange Masumoko. La mêlée la chérie, bon doigt, t'en as l'icambo na évité. Pété loi wangana, yesu kubanga, sans moi fim. So soit les liés, so soit les liés, vital caméra et moi limou. Honorable Amato Bayouba Siri. Oh, et kangami nase, kangami polikolo. Bolingon zamba sangisi na nyalingi ya kabola. Sango na souka mesa ma chaki ba motel ou baki. Est-ce que les lagi baleine? David Monceau, Fede Libenga. Yeah. Mbenza, Patrick Jamba, Malubashi, Moïse Kumbo, la jeunesse montante de la Chuapa. Maman Winner na Lovayo, maman Davina na Krakayo, maman Isaac na Kokufae. Oh Zawa Pieye, Tete Kabwe. Oh Zawa Pieye, Bobalia Kishaye, gouverneur Gentili, Bobile maman Latina, sénateur fidèle Baï, maman Kati Botema. Oh, oh, oh.